Je suis un pirate méchant qui aime manger des enfants. Je préfère les plus petits, ceux qui pleurent le jour et la nuit. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Je vais le mettre dans un chaudron avec du beurre et des oignons. J'ajouterai la crème de champignons et j'attendrai le point d'ébullition. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Je mangerai avec ma femme qui aime mieux les bébés en canne. Moi je préfère quand ils sont frais, c'est plus tendre et sans sodium. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bébé lala pour le souper. Mais j'ai un petit bébé lala.